prochain Assemblage Rookie. On part du Festival d'été de Québec qui se déroule du 8 au 18 juillet. Une grosse pile de chroniques avec des choses qui servent absolument à rien. Et on débute une série de chroniques thématiques, ton plat favori. Assemblage Rookie, jeudi 15h au samedi 16h.